neuf l'équipe. Sur le depuis on est quatre. C'est la bouteille on les quitte. Ici c'est miné faut qu'on parte. On s'est bé ou feuille de blé. J'suis sur le son pas de coupe de pain. Puis j'mélange un peu de peu. Tout en noir pas trop le blue. Fais tourner le pétard on est là. À vouloir de la maille on est mille plein. Vouloir la maille au coffre est là. Fais nous voir dans la grotte on est mal. J't'aime pas l'heure comme j'ai qu'il est minuit. Depuis qu'on galère c'est la merde. Après les sourires y'a la mort. Ici Nike a fait l'affaire. Et on a délaissé l'amour. Des fois, j'oublie ce qui pure ou fente ta frais. Ou grosse bouteille, faut que je mette un prix. NBK ne ramène ta fraise. On est un trou, non pas trois. La police me contrôle pour un prince. D'air sur Paris, me prennent la fin. D'hier, mon agit cherche à chez plein de terre. Groupe avec le pétard, il est plein. Des regards au bout, le pilon est plein. Puis, depuis qu'on galère, c'est la merde. Après le sourire, y'a la mort. Ici, Nike a fait l'enfer. Et on a délaissé l'amour. Important, après maintenant ça sortira, hyper dur.